السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de continuer l'étude et la lecture de l'épître Les Trois Fondements. La semaine passée, nous avions mentionné le deuxième fondement. Nous avons commencé le deuxième fondement. Nous avons mentionné les degrés de la religion. Ils sont l'islam, la foi et l'excellence. Nous avons commencé avec le premier degré qui est l'islam et nous avons mentionné le premier pilier de l'islam qui est l'attestation de foi. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: la preuve concernant la prière, la zakat et l'explication du tawhid réside dans la parole. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Surat al-Bayyinah, verset 5. Il y a dans ce verset la preuve concernant la prière, la zakat et l'explication du tawhid, qui est d'adorer Allah en lui vouant tous ses actes d'adoration sans rien lui associer. La prière est le deuxième pilier de l'islam et le plus important après l'attestation, à tel point qu'elle fut rendue obligatoire et donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de son ascension au ciel. La prière est également mentionnée dans plusieurs versets du Coran, ce qui prouve son importance. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant la prière qu'elle est la colonne de la religion, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. De même, c'est la première chose parmi les actes du serviteur dont il rendra compte. Si elle est bonne, alors les autres œuvres seront bonnes et acceptées, et si elle est mauvaise, alors les autres œuvres seront mauvaises, comme ceci est rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la prière: celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, un bouclier, une félicité jusqu'au jour de la résurrection. Quant à celui qui ne la préserve pas, elle ne sera pas pour lui une lumière ni un bouclier, et le jour de la résurrection, le jour dernier, il sera avec Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire les mécréants, est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Tous ces textes pour nous montrer l'importance de cette prière. Allah Azza wa Jal nous ordonne également de la préserver. Il nous dit: soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate la Vache, verset 238. Les textes qui montrent l'importance, les mérites de la prière et la gravité de la délaisser sont très nombreux. Il convient de l'accomplir comme il se doit, en prenant soin, l'accomplir à l'heure, parfaire ses piliers et obligations, l'accomplir avec quiétude. L'auteur mentionne aussi ensuite le troisième pilier qui est la zakat, l'aumône légale ou obligatoire. La preuve de son obligation est dans le verset mentionné par l'auteur. De même, dans le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur cinq choses. Et le prophète a mentionné parmi ces cinq choses la zakat, l'aumône légale. Également dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen, il lui dit: tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. S'ils t'obéissent sur cela, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent sur ce point, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les plus riches d'entre eux et redistribuée aux plus pauvres. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. La zakat, l'aumône légale, est une purification. À travers la zakat, la personne purifie son âme et ses biens. Allahu Azza wa Jal dit à cet effet: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Prélève dans le sens rapproché du verset, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Sourate At-Tawbah, verset 103. La zakat est une somme prélevée des plus riches, ceux qui ont les moyens, et qui est redistribuée aux pauvres et aux ayants droit, qui sont au nombre de 8 au total. Ces ayants droit sont regroupés dans le hadith, dans le verset 60 de Sourate At-Tawbah. Allahu Azza wa Jalla dit à cet effet, les sadaqat, les aumônes obligatoires, ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, ceux dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Il découle de la zakat beaucoup d'intérêt pour celui qui la sort et celui qui la reçoit, car elle amène la fraternité, l'entraide entre les gens. La zakat efface également les mauvais traits de caractère, comme l'envie d'autrui, l'animosité, l'avarice et autres. De même, la personne qui donne la zakat doit la sortir de son plein gré. Il ne doit pas ressentir de l'aversion ou de la haine lorsqu'il sort la zakat, ou de croire que cela est une perte pour lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, une aumône ne diminue en rien les biens. Ensuite, l'auteur du livre a dit, « Wa dalilu siyami qawluhu ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La preuve concernant le jeûne réside dans la parole d'Allah, ô vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. L'auteur mentionne dans ce point le quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan. L'obligation du jeûne est tirée du verset que l'auteur a mentionné. Dans la parole d'Allah, nous vous avons prescrit, c'est-à-dire rendu obligatoire, afin d'atteindre la piété. Et la piété, comme nous l'avions mentionné dans les cours précédents, à travers la définition de Talq ibn Habib, qui est de vrai dans l'obéissance à Allah avec science en espérant sa récompense, et de délaisser les désobéissances avec science en craignant son châtiment. Le jeûne, c'est avoir l'intention de se retenir et de délaisser tout ce qui annule le jeûne, du lever du soleil jusqu'à son coucher durant tout le mois de Ramadan. Parmi les mérites du mois de Ramadan, ou du jeûne du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abi Huraira, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ensuite, l'auteur du livre a dit: ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. La preuve concernant le pèlerinage réside dans la parole d'Allah, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Sourate Ali Imran, verset 97. Dans ce point, l'auteur mentionne le cinquième et dernier pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est d'aller à la maison sacrée à un moment précis pour accomplir des rites précis d'une manière précise. le moment précis, c'est-à-dire à l'entrée des mois du pèlerinage, d'une manière précise, c'est-à-dire en état de sacralisation. Le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie pour celui qui a la capacité physique, c'est-à-dire en bonne santé, en capacité d'accomplir les rites, et pour celui qui a la capacité matérielle, c'est-à-dire financièrement. On pourra rajouter une autre condition pour la femme qui est d'avoir avec elle son mari ou un de ses mahrams, un homme qui lui est interdit au mariage. Voici les cinq piliers de l'islam de façon résumée. Il convient à chacun d'apprendre les règles liées à ces piliers afin d'accomplir ces piliers de la bonne manière, afin de se rapprocher d'Allahu Azza wa Jal. Comme ceci a été rapporté dans le hadith al-Qudusi de Abi Huraira radiallahu anhu dans l'authentique de Al-Bukhari. Allahu Azza wa Jal dit: mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi avec une chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné. Ensuite, l'auteur du livre passe au deuxième degré qui est la foi. Il dit: Al-Martabatu Thaniya, l'Iman. وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le deuxième degré est la foi. Elle se divise en un peu plus de 73 branches. La plus élevée consiste à prononcer la parole « Nulle divinité en droit d'être adorée sauf Allah » et la plus basse consiste à ôter du chemin tout ce qui pourrait nuire aux passants, et la pudeur fait également partie de la foi. La définition de la foi chez les gens de la Sunna, comme nous dit le noble cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes avec les membres du corps. Elle augmente avec l'obéissance d'Allah et elle diminue avec sa désobéissance. Le cheikh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, nous dit dans son explication des trois fondements, il nous dit: l'imam Ibn Abdel Barr rahimahullah ta'ala rapporte le consensus des savants sur la définition de la foi. De même, il nous rapporte ou il nous dit que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit: j'ai écrit rapporté de plus de 1080 hommes parmi les gens du hadith qui disaient tous: la foi est une parole et des actes qui augmentent et diminuent. L'auteur du livre rahimahullah ta'ala mentionne le hadith de Abi Huraira pour expliquer la définition de la foi. La foi présente un peu plus de 73 branches. La plus élevée consiste à dire la ilaha illallah, la plus basse consiste à ôter du chemin tout ce qui pourrait nuire aux passants, et la pudeur fait également partie de la foi. Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala nous dit: parmi les preuves à travers lesquelles les savants s'appuient pour dire que la foi est une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes du corps, ce hadith de Abi Huraira. Dans la parole du prophète, la plus haute est la ilaha illallah, ceci est la parole de la langue. Dans sa parole, la plus basse consiste à ôter ce qui peut, à ôter du chemin ce qui peut nuire aux passants, ceci est les actes du corps. Et dans sa parole, la pudeur fait partie de la foi, ceci est la croyance du cœur, car la pudeur provient du cœur. Parmi les preuves que la foi augmente, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset: les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Surat al-Anfal, verset 2. Également dans sa parole, dans le sens rapproché du verset, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui disent: quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait croître leur foi et ils s'en réjouissent. Sourate At-Tawba, verset 124. Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, nous dit: ces versets montrent ou nous prouvent que la foi augmente avec l'écoute du Coran. Parmi les preuves que la foi diminue, il y a le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, hadith qui est présent dans l'authentique de Al-Bukhari. Allah Azza wa Jal dira le jour dernier: faites sortir du feu ceux qui ont dans le cœur la mesure d'un grain d'orge. Ceci prouve que la foi diminue jusqu'à devenir la mesure d'un grain d'orge. De même, le hadith de Abi Saïd al-Khudri, qui a été rapporté dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit une chose blâmable, qu'il la change de la main, s'il ne peut pas alors par la langue, s'il ne peut pas alors par le cœur, c'est là le degré le plus faible de la foi. En résumé, voici la définition correcte de la foi. Une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes du corps. Elle augmente avec l'obéissance à Allah et elle diminue avec la désobéissance à Allah. Ensuite, l'auteur du livre a dit « Wa arkanuhu sitta, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khayrihi wa sharrihi. Wa dalilu ala hadhihi al arkani sitta, qawluhu ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. L'auteur du livre nous dit, ces piliers sont au nombre de six, que tu crois en Allah, en ses gens, en ses anges, en ses livres, ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. La preuve de ces six piliers est la parole d'Allah. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété caractérise plutôt celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes. Sourate Al-Baqarah, verset 177. Quant à la preuve du destin, la parole d'Allah, nous avons créé toutes choses selon des mesures prédestinées. Sourate Al-Qamar, verset 49. Nous avions cité les différentes branches de la foi. L'auteur mentionne dans ce paragraphe les piliers de la foi qui sont au nombre de six. Si l'un des piliers venait à manquer, alors la foi n'est pas présente. Car cette foi est bâtie sur ces six piliers, qui sont de croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers au jour dernier, et croire au destin qu'il soit beau ou mauvais. Le premier pilier est de croire en Allah. La croyance en Allah implique de croire en quatre choses. Premièrement, de croire en son existence. Deuxièmement, en croire en son unicité dans la Seigneurie, c'est-à-dire qu'il est le seul à créer, à donner la subsistance, à posséder et à gérer l'univers. Troisièmement, de croire en son unicité dans l'adoration, c'est-à-dire croire que nul ne mérite l'adoration sauf Allah, vouer tous ses actes d'adoration à Allah seul, s'humilier, invoquer, se prosterner, sacrifier, espérer, craindre. Tous ces actes d'adoration doivent être voués à Allahu Azza wa Jal seul. Allahu Azza wa Jal nous dit dans le sens des versets, « Adorez Allah et ne lui associez rien. » Surat An-Nisa, verset 36. Quatrièmement, croire en son unicité dans ses noms et attributs. C'est-à-dire de croire qu'Allahu Azza wa Jal possède les plus beaux noms et qu'il possède les attributs les plus hauts et les plus parfaits. Également de confirmer ce qu'Allah s'est confirmé à lui dans le Coran, comme nom et attribut, et de confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé à Allah comme nom et attribut dans la sunna authentique. De même, nier ce qu'Allah azza wa jal s'est nié le concernant, et nier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié à Allah azza wa jal dans la sunna authentique. Ceci, en s'éloignant de quatre choses, sans nier le sens de ses attributs, sans faire dévier le sens, sans faire de ressemblance avec les attributs des créatures, et sans chercher à connaître le comment. Conformément au fondement mentionné dans le Coran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui est semblable, il est l'audient, le clairvoyant. Sourate Ash-Shura, verset 11. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala a dit نصف الله كما وصف به نفسه وما وصف به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. Nous décrivons Allah comme il s'est décrit lui-même et comme son prophète l'a décrit, on ne transgresse pas le Coran et la Sunna. Voici en résumé la croyance en Allah. Le deuxième pilier qui est de croire aux anges, c'est de croire que les anges sont des créatures créées par Allah. Ils sont créés de lumière et ne désobéissent pas à Allah et ils exécutent ce qu'il leur ordonne. De croire également en leur nom de façon détaillée et générale, comme Jibril alayhi salam, Mikaïl alayhi salam, Malik et autres. Croire de façon générale aux noms qui n'ont pas été cités de manière détaillée. Également, de croire également en leur description de façon détaillée et générale, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vu Jibril dans sa vraie forme, il avait 600 ailes et remplissait l'horizon, comme il est mentionné dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Également de croire en leur fonction de façon détaillée et générale, comme Jibril qui est chargé de descendre avec la révélation, comme Malik qui est le gardien de l'enfer, et Sarafil qui est chargé de souffler dans la trompe, et Mikaël qui est chargé de la pluie et de la végétation sur ordre d'Allah Azza wa Jal. Voici de manière résumée la croyance aux anges. Le troisième pilier, croire aux livres. C'est de croire que ces livres ont été révélés par Allah aux prophètes et messagers pour guider les gens vers le droit chemin. Croire aux livres de façon détaillée et générale, comme le Coran révélé à Mohammed, les feuillets révélés à Ibrahim, alayhi salam, la Torah à Moussa, alayhi salam, l'évangile à Isa, alayhi salam, les psaumes à Daoud, alayhi salam, et les livres dont les noms nous est inconnus, alors nous y croyons de façon générale. Croire que le Coran est le dernier livre révélé. Le Coran confirme ce qu'il y avait avant lui et abroge tous les livres précédents. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet, nous avons fait descendre sur toi, ô Muhammad, le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Surat al-Ma'ida, verset 48. De croire également que les livres des gens du livre ont été falsifiés. Allah Azza wa Jalla nous dit à cet effet, dit, qui a fait descendre le livre que Moussa a apporté comme une lumière et un guide pour les gens? Vous le mettiez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Surat al-An'am. De même, Allah Azza wa Jalla dit, ô gens du livre, notre messager vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Surat al-Ma'ida, verset 15. De croire également que, contrairement aux autres, le Coran est préservé de toute diminution ou rajout, car Allah préserve le Coran selon sa parole. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat al-Hijr, verset 9. Voici de manière résumée la croyance au livre. Quant au quatrième pilier, la croyance ou de croire en ses messagers, c'est de croire que ces messagers sont des hommes, envoyés par Allah, de croire que ces messagers sont des serviteurs et n'ont aucune caractéristique divine. De même, ils sont des messagers, ils ne doivent pas être démentis. Celui qui dément un seul des messagers aura mécru en tous les prophètes et messagers. Allah Azza wa Jal dit, concernant le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Surat al-Shu'ara, verset 105. Croire également de façon détaillée et générale aux messagers, comme Muhammad, Ibrahim, Adam, Nuh, Moussa, Isa, Suleyman, Daoud, Ilyas, Ismaïl, Yaqub, Yusuf, Ishaq, Ayyub, Lot, Yunus, alayhimus salam. Quant à ceux dont le nom nous est inconnu, nous y croyons de façon générale. Croire également aux récits authentiques qui nous sont parvenus à leur sujet. Agir en fonction de la législation du prophète qui nous a été envoyé, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes envoyés à toute l'humanité. Croire également qu'Allah Azza wa Jal a favorisé certains prophètes à d'autres. Allah Azza wa Jal nous dit, parmi ses messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Surat al-Baqarah, verset 283. Croire que les meilleurs des prophètes sont les cinq messagers doués de fermeté. Et le meilleur des cinq et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Ibrahim alayhi salam, ensuite Moussa alayhi salam, ensuite Nuh alayhi salam, puis Isa alayhi salam. Voici la croyance aux messagers de façon résumée. Et le fait de rejeter un seul de ces messagers, de ces prophètes messagers, la personne mécroît. Allah Azza wa Jalla nous dit à cet effet, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent « nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, les voilà les vrais mécréants. Surat An-Nisa, versets 150 et 151. Le cinquième pilier, croire au jour dernier. Il est appelé jour dernier car c'est le dernier jour. C'est de croire à tout ce qu'il y a après la mort, en commençant par le châtiment de la tombe, ses délices, les questions des anges dans la tombe, croire également à la résurrection, le retour des morts à la vie, croire au rassemblement, au jugement, au compte, aux balances, à l'épreuve du pont, au paradis et à l'enfer. Également, le fait de croire au signe de la fin des temps rentre dans la croyance au jour dernier. Et la personne, lorsqu'il meurt en réalité, qu'il sache que son jour dernier a commencé. Voici en résumé la croyance au jour dernier. Celui qui mécroit au jour dernier a certes mécru. Allahu Azza wa Jalla dit à cet effet, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit Messie, par mon Seigneur vous serez certes ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Surat At-Taghabun, verset 7. Le sixième et dernier pilier, croire au destin. C'est de croire qu'Allah a prédestiné toutes choses conformément à sa science et à sa sagesse. Croire que tout ce qui se passe dans l'univers comme bien, comme mal, comme mécréance, comme foi, comme bienfait, comme malheur, comme maladie et autres, est prédestiné et n'est pas le fruit du hasard. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé, et cela est certes facile pour Allah. Surat al-Hadid, versets 22 et 23. La croyance au destin implique quatre choses. Premièrement, la science, c'est de croire qu'Allah connaît tout et qu'il a toujours su ce qui allait se passer avant que la chose ne s'accomplisse. Il connaît toutes choses en détail, en général, passé, présent et futur. Deuxièmement, l'écriture. C'est de croire qu'Allah a écrit toutes choses dans la table gardée. Al-Lawhul Mahfouz. Allah dit à cet effet, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et la terre? Tout cela est dans un livre et cela est facile pour Allah. Surat Al-Hajj, verset 70. De même, dans le hadith de Ubadah ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose qu'Allah a créée est la plume. Puis il lui dit d'écrire. Elle dit, qu'est-ce que j'écris? Allah lui dit, écris tout ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et ce hadith a été rapporté dans Muslim. Troisièmement, la volonté. C'est de croire que rien ne peut se passer dans l'univers sans la volonté d'Allah au préalable. Allah dit à cet effet, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers. Surat At-Takwir, verset 29. Quatrièmement, la création. C'est de croire qu'Allah a créé toute chose est créée par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous faites, ou ce que vous faites. Surat As-Saffat, verset 96. Voici en résumé la croyance du destin qui est composée de ces quatre étapes, la science, l'écriture, la volonté et la création. La foi est donc bâtie sur ces six piliers qui sont de croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin qu'il soit bon ou mauvais. Celui qui mécroit en un de ces piliers ou rejette un de ces piliers a certes rejeté la foi. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.